Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous spécial rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées sur les ondes du 100 FM de Radioactive. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière qui s'appellera I Wanna Be Your Dog. Alors pourquoi I Wanna Be Your Dog? C'est tout simplement le titre fétiche de d'Iggy Pop et des Stooges qui date de la fin des années 60, début 70. Et l'idée de cette émission un peu loufoque, on va dire, c'est de ne passer que des morceaux qui parlent de chien, où il y a le mot dog ou le mot chien dedans. Donc du coup, pour arriver à faire ça, il a fallu aller ratisser quand même un poil large. Donc vous allez entendre des choses que l'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre dans l'émission, mais j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Et c'est donc parti avec tout seigneur, tout honneur, le fameux titre de Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog. Go! Now, wow. courage. Watch it down, it's a dog real good. Ce crible-là, le récif était au pire perçu comme une anomalie dispendieuse à raturer, au mieux comme un cabinet d'innovation et de prototypage pour la lucrative industrie du contrôle. Devant certains financeurs, Archavine suggérait encore que les furtifs pourraient provenir de mutations fomentées par des erroristes du gène, histoire de surfer sur la vague complotiste et d'arracher quelques lignes de crédit additionnelles. Shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen. Shameless, my house was outside. Well, the sun sinks slowly. My old hound sat right down and cried. Un petit morceau pour les chiens. Arrête d'aboyer. À chaque fois que je passe devant lui, je me mets à geler. Souvent sa manière à lui, je veux provoquer. Et ce plus belle gréma, le fais-le à chaque soir. Ce plus belle gréma, je commence à n'avoir plein de temps. Mais pourtant j'ai tout essayé, j'ai été gentil. Je lui fais le tourner, tout mal et lui frisky. Et ce plus belle gréma, il a bien voulu savoir. Ce plus belle gréma, je commence à n'avoir plein de temps. Deux dindons de la farce, c'est-à-dire les patients qui prennent des médicaments inefficaces et toxiques, et les assurances maladies qui payent. Yeah! Go! Déchirement, la déchirure, un geste sonore totalement lié à la matière mise en déchirement, ou plus simplement, déchirée. Quand on parle de déchirement, on pense immédiatement au papier, matière que l'on déchire un peu tous les jours de manière machinale, en ouvrant son courrier par exemple. Alors, autant en faire une performance sonore et théâtrale, comme le Paper Peace de Ben Patterson, chantre du mouvement Fluxus, disparu l'année dernière. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. La la la la la.

Bien sûr, mais je crois que si Lorca et Sarre assument ce qu'est devenu leur fille, s'ils arrivent à faire éprouver la beauté des furtifs, s'ils en défendent publiquement la nécessité, on peut espérer une acceptation, au moins de certaines catégories de gens. We'll be right back. Du temps a passé depuis le jour où sur mon CB, le radiotéléphone de bord de mon camion, j'avais capté le message de Teddy, le petit garçon handicapé. Nous étions devenus de vrais amis, lui et moi. Sitôt que j'avais un peu de liberté, je m'arrangeais pour venir le voir et lui apporter quelques douceurs. Il me parlait souvent de la première visite qu'on lui avait faite et des mille petites choses qu'on lui avait données. Pourtant, je sentais bien que ces visites trop rares ne suffisaient pas à lui redonner le moral nécessaire pour guérir. Il fallait pour Teddy un autre compagnon, qui soit près de lui plus souvent. Ce compagnon, le hasard allait le placer sur mon chemin. C'est à l'époque où toute une population se jette pêle-mêle sur les routes. Ça s'appelle les vacances et ça ne souffre aucune entrave. On sacrifie tout à la folie du départ. On plaque tout et on s'en va. Nous les routiers, pendant 48 heures, on s'arrête et on laisse passer le flot. J'avais donc rejoint mon port d'attache en attendant la fin de cet exode et pour tuer un peu le temps, j'allais marcher dans la campagne. C'est là que j'ai trouvé Patapoil. C'était un pauvre petit chien, tout affolé. Un corneau que des salauds avaient attaché à un arbre avec du fil de fer. On devinait l'histoire. La voiture bondée et le petit animal qui avait voulu à tout prix être lui aussi de la fête. On l'avait rejeté une fois, deux fois. Et puis devant son entêtement, on l'avait emmené pour l'abandonner lâchement quelques kilomètres plus loin, dans le premier bois venu. Il s'était débattu, s'en tortillant dans le fil, au point de s'entamer profondément les pattes. Il avait crié, crié, appelant au secours ceux qui déjà l'avaient oublié. Couché sur le flanc, ce n'était plus qu'une pauvre petite boule de poils sanglante et meurtrie. C'est pour ça que je l'appelais Patapoil. Je m'approchais de la bête, et lentement, avec précaution, j'arrivais à la délivrer de ses liens. D'abord, elle me mordit, et puis elle me lécha les mains avec reconnaissance. Je la ramenai au camion, la soignai de mon mieux, et c'est là, en voyant ce petit chien boitiller sur trois pattes, que j'associais Teddy à cet incident. Ce fut comme un déclic. Il était là le compagnon de tous les jours, de toutes les heures, blessé comme lui, solitaire comme lui. Ils uniraient leurs deux malheurs et s'aideraient l'un et l'autre à guérir. J'enclenchais le radiotéléphone et j'appelais. Allô ? Allô, Teddy Bear ? J'appelle Teddy Bear. Allô, Teddy, c'est toi ? Ici ton ami, le routier. Écoute, Teddy, je viendrai te voir demain. Non, non, je ne peux rien te dire, c'est une surprise. Bonsoir, Teddy. À demain. Dans la soirée, je passais un appel général aux copains. J'en accrochais trois ou quatre. Je leur expliquais l'affaire. Ils me promirent tous d'être là. J'installais le petit animal sur un tas de vieux chiffons. Je grimpais dans ma couchette et je m'endormis, heureux. Le lendemain, on a pris le bahut et on a filé chez Teddy, les copains et moi. Tous des gars terribles. Ils s'étaient débrouillés dans la nuit pour faire quelque chose pour le gosse. Spanky avait construit une niche avec des planches. Un autre avait tressé un collier et une laisse pour que Teddy puisse emmener Patapoil en promenade quand il remarcherait. Un autre qu'on appelle le cochon à roulette, parce qu'il conduit le camion frigo d'une charcuterie industrielle, avait voulu apporter de la viande pour toute une ménagerie. Quand on a poussé la porte de la petite maison, j'ai cru un instant que Teddy allait sauter de son lit et marcher. Il battait des mains. On l'a assis dans son fauteuil et on a posé Patapoil sur ses genoux inertes. Il l'a serré, serré contre son cœur. Ils mêlaient leurs larmes de joie. J'ai vu tout de suite que c'était gagné, que ça collerait bien tous les deux. Ah, on a passé une fameuse journée. Et quand il a fallu repartir, tous, même le vieux Ben qui va bientôt lâcher le volant, on avait vraiment l'impression d'avoir 7 ans. Comme la première fois, le CB nous a rappelé, quelques kilomètres plus loin. D'abord, on n'a rien entendu. Et puis, en prêtant bien l'oreille, on aperçut de petits aboiements auxquels se mêlaient de gros sanglots d'enfants. C'était Teddy. Et il nous a dit « Merci. Merci à vous, les copains. Vous avez été formidables. Vous m'avez donné la plus grande joie de ma vie. Même si je ne dois plus remarcher. Jamais. On n'a plus osé se regarder, nous autres. On s'est quittés bêtement, sans savoir quoi se dire. On venait de prendre, vite fait, un sacré coup de vieux. Control en tierra, dice a la Italia. Si bien que le congrès s'ouvre le 10 juillet au matin dans cette ambiance de peur, de découragement et de résignation. La veille, Laval s'est exprimé sans embâge. Devant le sénateur Joseph-Paul Boncour, il déclare « il faut adopter le régime du vainqueur ». Le député Gaston Manant l'a entendu dire devant la Chambre « il faut nous aligner sur les régimes totalitaires » ou encore « pas d'autre chemin qu'une collaboration loyale avec l'Allemagne et l'Italie ». Somebody stole my dog. Somebody stole my dog. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Somebody stole my dog. I wonder who could have stole my dog. I wonder who could have stole my dog. I wonder why. I told you over and over again that that dog was my best friend. Somebody, somebody stole my dog. Dog. Please, you know who could have stole my dog? Tell him to please bring my dog back to me. I'd give anything, anything if it just, bring my dog back to me. Please, I love that dog so much, so much. Quand j'ai vu chez nous la niche vide, j'ai crié partout, où est mon toutou? Mes parents m'ont dit, ton petit caniche, ma pauvre chérie, s'est enfuie d'ici. Au bon Saint-Antoine, retrouvez mon chien. Il s'appelle Charlemagne et il a un collier vert. Il adore la campagne, il déteste les coquers. Son museau est tout noir et ses yeux sont chocolat. Il n'est pas très bavard et il a peur des gros chats. S'il vous plaît, Saint-Antoine, retrouvez mon chien. La la la. J'ai couru partout, frappé aux portes, demandé partout où est mon toutou. Mais rentrant chez moi, devant ma porte, il m'attendait là, grelottant de froid. Merci Saint-Antoine, j'ai retrouvé mon chien. Le voyant tout transi, plein de boue et de poussière, je me suis dit, mais bon sang, qu'a-t-il pu faire? Je l'ai pris dans mes bras, il m'a fait des yeux si bons. Et ses yeux sans me dire, je te demande pardon. Grand merci Saint-Antoine de m'avoir rendu mon chien. Grâce à vous Saint-Antoine, j'ai retrouvé mon copain. Brigadier au garde-vous. Le bon chien-chien passe à mes mères. Il est content. Le bon pépère. Il a son jouet. Il en est fier. Il a son lanceur de papin de défense. Lanceur de papin de défense. Lanceur de papin de défense. Pour son chien-chien, à sa mémère. Mon chien-chien. Méchant chien-chien. Mon chien-chien. Méchant chien-chien. La menace végane n'a rien d'imaginaire, même si le généralissime ne songe pas à un coup d'État. Ses soldats sont autour de Vichy. Quelques jours plus tôt, il a rédigé une note pour le gouvernement où il dénonce les compromissions maçonniques, capitalistes et internationales, où il condamne la lutte des classes, entre parenthèses de Front Populaire, la baisse de la natalité et les naturalisations d'étrangers. Il faut, écrit-il, un programme nouveau, des hommes nouveaux et un idéal, Dieu, travail, famille, patrie. L'homme de la grande muette, soudain bavard, esquisse, contre toute la tradition républicaine, les thèmes du régime de Vichy. Thank you. chat, viens ici. Viens ici, chat. Viens là, bâtard. Viens là. Viens là. Petit caniche peluche pour vieux, quand ta voix c'est tellement aiguë que tout le monde y croit que t'es une femelle. Petit caniche peluche pour vieux, la perruque à ta mémé, c'est tout ce qui reste de ta mère. Petit caniche peluche pour vieux, tellement que t'es con, tu sais même pas que t'es un caniche. Petit caniche peluche pour vieux, c'est parce que mémé elle t'aime bien qu'un jour elle va t'empailler. Petit caniche peluche pour vieux, en fait quand t'es né ta mémé elle aurait voulu un chat. Petit caniche peluche pour vieux, ta mère avant que tu naisses elle a été avec plein d'autres chiens. Allez, viens là, le chat. Allez, viens sur mes genoux. Viens faire un tour de manège avec Didier. Allez, viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur, le chat. Ça va pas faire mal. Petit caniche peluche pour vieux, t'as mal à ton zizi tellement que t'essayes de niquer tous les meubles. Petit caniche peluche pour vieux, si je te chope, je t'entoure de Chatterton pour fuck t'explose quand je t'encule. Petit caniche peluche pour vieux. About 4 or 5 years, I think. This was the first song I released, and it must have looked like a terrible hype because, you know. Cat Stevens singing I Love My Dog must have been very strange, but anyway, I meant it. This is called I Love My Dog. I love my dog as much as I love you. Do you make faith? My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. Though you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes to shine through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. Do you may fade, my dog will always come through. Dog as much as I love you. Though you may fade, my dog will always come through. As I love you, though you may fade, my dog will always come through. Yes, I love my dog as much as I love you. Though you may fade, my dog will always come through. Yes, I love my dog, baby, I love my dog. Na na na na na na na na na na na na. I said I love. À vrai dire, les idées de Laval, de Végan, de Pétain n'ont rien d'improvisé. Tout au long des années 30, un parti intellectuel où Maurras et l'Action française jouent un rôle central ne cesse de dénoncer la République, de réclamer un nouveau régime, monarchique pour Maurras, fasciste pour d'autres. Pire, une partie de ces factieux proclamés vient de la gauche. Du PCF d'abord, où Jacques Doriot, orateur frénétique, a rompu avec son parti pour créer une organisation populaire ou populiste qui s'inspire de Hitler et Mussolini. De la SFIO ensuite, où Marcel Déat, socialiste minoritaire, fait scission pour créer son propre mouvement, lui aussi voué à la dictature nationaliste. Du Parti radical enfin, où Gaston Bergery imite peu ou prou Doriot et Déat. We'll be right back. wants to fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog. That's right, kids. I tried to fuck your mom in the ass. Tried to fuck your dad in the ass. Could only find the dog and his ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog. I tried to fuck a fucking pirate in the ass. Army and me first mate, a scurvy cur. Tried to fuck a fucking pirate, but I found the dog. Ah, that was no pirate, man. That was thy own sister. It's a Mexican pirate. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. Wanna fuck a fucking dog. Fuck you. Julia hat nen scharfer Hund und den hat sie nicht ohne Grund. Aha! Claudia sieht spitz aus. Auf Claudia sind alle scharf. La séance commence. On lit à la tribune le texte du projet de loi et son seul article. Vincent Badi, député radical mandaté par une vingtaine d'élus pour défendre un contre-projet où les pleins pouvoirs du maréchal, acceptés comme une concession, ne peuvent remettre en question la forme républicaine du régime, demande la parole. Il y a 9 orateurs inscrits. Aussitôt, à la demande d'un député complice, on vote massivement pour la clôture, c'est-à-dire pour un vote sans débat. La République se meurt. Badi veut monter à la tribune, crie hostile, il est saisi par le député Fernand Buisson et renvoyé par les huissiers. On vote sur le texte. Majorité écrasante, la République est morte. Une seule voix crie, peut-être celle de Badi, comme dans un désert de résignation. Vive la République quand même! Dogs are everywhere, almost everywhere that I go. They have too much and then they have too much again, and then more. They leave their scent behind them everywhere they go. Oh, dogs are everywhere that I go. Oh, dogs are everywhere. they rip up everything that I believe in. Friend of mine. on bending knee. I said, baby, baby, baby, will you marry me? She said, sorry, daddy, what can I say? I found a new love just the other day, and you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Well, I pleaded and I begged, nearly out of my mind. I said, baby, baby, baby, girls are hard to find. She said, sorry, daddy, try to understand. I'm going with the cutest guy in the land, and you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. And I felt so blue. I said, baby, baby, baby, does it make me went through? She says, sorry, daddy, but can't you take a hint? My guy's got money, more than a mint. And you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Day that my baby, baby, baby had gone away. She took all his money and she left him flat. And let me tell you people, I'm so glad that I was barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. L'histoire de cet archipel océanien, devenu colonie française au milieu du 19e siècle, est marquée par un peuplement d'abord pénal, les descendants de bagnards, puis par une colonisation libre accompagnée d'un cantonnement de la population kanak autochtone dans des réserves. Après la fin du régime de l'indigénat en 1946 et l'institution de la libre circulation, les kanaks sont passés du statut juridique de sujet de l'Empire à celui de citoyen, mais sans pouvoir accéder pleinement aux leviers politiques et économiques du territoire. Leur lutte pour l'indépendance débute au cours des années 1970. La sortie par référendum, le 4 novembre prochain, de l'accord de Nouméa, fait figure d'aboutissement de ce combat dont une série d'accords politiques depuis 1983 marque les jalons. For me. Oh, here I go. You gotta be a dog to fight and not run. You gotta be a dog to make it up out the slums. You gotta be a dog to make it out where I'm from. You gotta be a dog to take everything you want. You gotta be a dog. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Big dog nigga, and I do this for life. With my hands in the sky, Omega Sci-Fi. Don't try to dare pick a bone with me. You'll get popped, so it's best you get along with me. And try to figure out how to get this paper back circulating. See, me and my dogs, we made reservations. New whip, new shit, renovations. We're building the hood, public relations. Stomp down deep when I walk low. And everybody listen when I talk low. Never been scary. Fuck the owner, beware of the dog, cause I'm killing if it's necessary. You gotta be a dog to fight and not run. You gotta be a dog to make it up out the slums. You gotta be a dog to make it out where I'm from. You gotta be a dog to take everything you want. You gotta be a dog. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Look me in my eyes, you can tell that I'm a ride. Hear the pain in my voice. And you know I'm down to slide. Nigga, I ain't got a choice. I'm a dog, that's what dogs do. You would get bit if you try to touch a dog food. Eating real good, I need some food for my dogs too. Leader of the pack, when I move, all my dogs move. Still hitting hoes from the back like a dog do. I don't care if she bougie, I'ma still dog you. Free all of my dogs too, let all of my dogs loose. Shout out all my dogs, getting rich off that dog food. Scared everybody, stand still when the dog move. You ain't got a car, you my dog, you can fall through. Be a dog to fight and not run. You gotta be a dog to make it up out the slums. You gotta be a dog to make it out where I'm from. You gotta be a dog to take everything you want. You gotta be a dog. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Just for all my dogs, just for all my dogs. Thank you. Les Alliés savaient dès 1942 le sort atroce et unique qu'avait réservé aux Juifs le régime national-socialiste. Il n'y a plus aucun doute sur ce point. Cette connaissance, de plus en plus précise quant aux modalités de la destruction et de son ampleur, ils la devaient au rapport que leur firent quelques hommes qui avaient été témoins des faits et s'étaient donné pour mission d'alerter ceux qui étaient en mesure d'agir en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Parmi ces messagers du désastre se trouvaient deux Polonais, un juriste juif, Raphaël Lemkin, et un résistant catholique, Jan Karski, auquel Annette Becker consacre deux biographies enchâssées, dans un livre puissant par l'écriture et l'intensité de son questionnement moral et politique. Dans cette histoire intellectuelle, l'historienne s'attache à retrouver ce qu'ils étaient avant qu'ils ne deviennent ce que l'on connaît aujourd'hui. Le Lemkin, inventeur du terme de génocide, et le Karski, révélé au grand public dans Shoah par la caméra de Claude Lanzmann, devant laquelle le héros de la résistance laisse place au juste parmi les nations, et par le roman de Yannick Hennel, publié en 2009. Les miennes ont des cernes, elles traînent en fumant à l'heure où les bars ferment. Vide leurs bouteilles, pissent sur mon sommeil. Vieille peau des caddies que presque rien n'est gay. Je leur dois mes plus fiers débuts d'ulcères et des colliers d'heures mortes à mon calendrier lunaire. Des insomnies belles comme des fonds de cratères, si tu préfères. Coléoptères à fleurs de nerfs, elles rampent à bois, casse du verre au creux de mon crâne, dans un coin sans lumière. Pouh, Nile Blue, et tâche d'y prendre goût. Cuite et recuite à chaque nuit, que Paris écrit, elles font le mur et courent seules dehors. Boulevard, avenue, rue, impasse des carnivores. Vadrouille sans but en attendant l'aurore. Leur solitude pavée dans le cul d'une ville qui dort. En vase clos, au paradis des corbeaux, les matricules poussent comme une seconde peau. Me disent-elles coco en desserrant les crocs. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. Le premier homme hagard que tu croiseras soir et qui dira d'aller te faire voir, c'est moi. La bonne vieille couleuvre qui essaie de faire peau neuve en remontant le fleuve, c'est moi. Et encore moi là-bas, du mauvais côté nocturne, truqué comme une urne, plein comme mes burnes. King Kong accroché à l'anneau de Saturne. Prodigieuse compon à la discrétion des néons. Plus les lampes torches m'encombrent et plus j'épouse l'ombre. En quête de quelques mètres carrés où je pourrais écrire en paix, quelques mètres carrés où je pourrais me débarrasser de mes écorces tassées, de mes erreurs passées, de mes fautes ressassées et balancer le sac comme on jette un cadavre au milieu du lac. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête. Et je tête la belle étoile à pleine main, comme une belle paire de seins, avec l'espoir qu'au-delà du charabia, la rime me soignera. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. shuffling down the street with the sideway speed, stopping now and then, and he'll stop again. No doubt in his mind where he's going. He doesn't care for his hair or his teeth, and if the truth were known, he's a bit of a thief. Innocently lies and it's showing. Stands like old faithful.